c'est le moment de retourner à notre émission du matin, Assemblage Requis. Parce que voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 9 février 2015. Bonjour et bienvenue à l'Assemblage Requis en ce lundi 9 février 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est malheureusement en congé aujourd'hui. Qu'on va s'ennuyer d'elle pour cette émission pendant 2 heures, mais que voulez-vous, c'est comme ça. Et on a tellement de contenu aujourd'hui que de toute façon, ça paraîtra pas dans une blague. J'ai gâteau sur les yeux. On a personne pour chanter avec moi sur l'intro de la chronique de David Ferron. Peut-être que Marie Melon pourrait le faire. Chanter les paroles d'une chanson thème de David Ferron, parce que voici les notes salées. Les notes, ça brûle mes gencives. Mes gencives, quel film. Tubercule dans ma gencive. C'est trop salé. Look at my nuts. Wow, Marie Melon, mais quelle extraordinaire performance. Allô. Allô, Marie Melon, c'est la sœur anciennement triplée, en fait, toujours triplée de David Ferron. Ça va bien, mon beau Mathieu. Ah, merci de le dire. Oui, c'est beau de le dire. Merci. T'es présente avec nous en studio en ce moment. Une lettre d'amour pour toi. Alors, Mathieu, dans tes rêves, j'aimerais bien être ta Peach. T'aimerais être ma princesse Peach? Oui. Ah, je serais ton Mario? Oui. Ah, Marie et Mario. Oui. Tellement beau. Ah. Toujours à Assemblage Requis en ce mardi, 10 janvier, février, 2014, 15, 7h11, 8h11. Tu sais, genre comme si à chaque fois je me trompais, pardon. Très malaise. Un genre de running gag. 3 matchs, le manquez-en pas un parce que sinon vous allez rien comprendre. C'est comme dans les Lord of the Rings. Vous allez brûler. Les Lord of the Rings. Lord of the Rings. En tout cas. Ça, c'est bon, ça. Au lieu d'une frite, là, tu prends une bonne Lord of the Rings. C'est la dernière demi-heure de notre émission du mardi. Et à chaque semaine, pas mal, hein, c'est pas mal l'endroit où on se met quelque chose dans la bouche, peu importe ce que c'est. Oui. Et c'est pas une chronique de sexe. Ah, c'est ouais, fait qu'on l'a fait, on l'a fait pareil. Non, mais c'est relatif. C'est ça. Je veux dire, tu peux virer ça comme tu veux. N'importe quand. Ce matin, Savage Smith et It's a Burn à Assemblage Requis. Ce qui me brûle l'argent, moi, ce qui me brûle les poches. Pardon. Ce qui me brûle les poches. Hey, moi, s'il y a quelqu'un qui brûle l'argent que j'ai, s'il en trouve. Je casse la gueule. Non, mais tu sais. Mais pas poli. Peu de respect. Je vais avoir des clients qui viennent me voir, puis là, je leur annonce qu'ils souffrent d'obésité. C'est comme une claque en pleine face. Mm-hmm. Tu sais, le mot obésité, ça fait mal. Tu sais, au moins, obèse. Je pense que t'as de l'embonpoint, mais finalement, oui. T'es obèse, morbèse, morbèse, obèse. Oui, morbèse, obèse. Orbèse du bide. Morbèse, orbèse. Orbèse, comment t'as dit? Orbèse du bide. Et ton bide est en orbite. Pour mesurer ton pourcentage de graisse. T'sais, si tu pèses 100 livres, il ne faut pas que tu aies plus que 25 livres de gras sur toi. C'est un pourcentage. Ça va avec ta grandeur aussi. Et d'avoir une idée par rapport au code d'écoute de C'est fou, on pourrait dire qu'on est, tout le monde est numéro 1 dans quelque chose. Fait que nous autres, on est numéro 1 dans les 18-25 de BMI, mettons. À place des 18 à 25 ans comme les autres. T'sais, on pourrait trouver une place où on est numéro 1. Oui. C'est ça de même. C'est une idée. Oui. Ce qu'on ne devrait pas dépasser, c'est 88 cm. De tour de taille, et chez l'homme, c'est 102 cm. Moi, je pense que la raison que j'ai un tour de taille comme ça, c'est parce que j'arrête pas de faire les tours de taille, comme dans « Je vais chez Taille Express », puis « Je vais chez... » C'est mon tour de taille, je fais ça. OK. Je suis fan de ça, ma cuisine fusion. Oui. C'est quoi, déjà? C'est deux sortes de cuisine mélangeant ça? Ben, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. C'est de l'Indien thaïlandais, c'est du... C'est ça. C'est une poutine italienne, mais... pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire que c'est de la cuisine fusion? Moi, je vais le dire. Hey, un pizza Getty, c'est-tu fusion, mais fusion dans sa propre origine? Je sais pas, c'est peut-être transfusion, parce que, je sais pas, quelque chose par... C'est comme si t'avais transfusé du spag à ta pizza. C'est exactement ça! Jeudi 12 février 2015, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Ah oui. Ça t'excite donc bien quand je dis ton nom? Ouais, ben j'aime ça, c'est rare que quelqu'un d'autre que moi le dit. Sauf pour te chicaner. C'est ça. Mathieu Plante. Tout le temps des reproches. Persécution. C'était la vieille usine de Lance à Beaufils, qui est en Gaspésie. Hé, hey, Lance à Beaufils, là. Oui. Moi, ça me fait penser à mon beau-fils là, dans Astérix. Je voulais juste faire ça pendant que je réfléchissais. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Mettons, tu vas à Percé par le nord. Tu continues un petit peu. au sud, tu sais, parce que là, t'es comme, c'est à la pointe, t'es à la pointe, t'es à la pointe. Quand t'es trop au nord, faut que t'ailles au sud pis t'es rendu. C'est ça, pis si tu passes par le sud, qui est plus rapide. Mais va à l'ouest. Faut pas que tu te rendes à percer. Percer par-ci, percer par-là. T'as un kayak. Dans quelques minutes, tantôt, ça va être Justine Renaud qui va être là. Hey, on est gâteau aujourd'hui. Vraiment, une belle journée. Plein de femelles. Ouais, plein de femelles. OK, j'aurais pas dit ça de mais même. Mais moi, j'ai le droit, j'en suis d'une. C'est ça, moi, ça aurait pas passé bien. Non. Toujours quelque chose en rapport à date avec, il me semble, la météo un peu. La raison que les feuilles changent de couleur. Mais la nature, ouais. Tu sais, vu qu'il est tout le temps dans la thématique de la nature, peut-être qu'elle pourrait nous parler des croustilles nature, t'sais. Ah! Pas pire, hein? Ah, ça pourrait. Ouais, oui, c'est un bon petit tuyau qu'on lui donne, c'est gratuit. Le contrôle subconscient se fait au niveau du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est une espèce de petite section en forme de tige à la base de notre cerveau au niveau de la nuque. Donc, si on reçoit un coup au niveau de la nuque, on meurt. Mais on peut savoir on avait quel âge si on compte les petits... Si on se fait scier la tête puis on compte les anneaux, c'est, là, c'est comme un arbre. Hey, le tronc cérébral, c'est pas le nom de M. Hanky, ça, dans South Park. C'est un tronc cérébral. Parce... C'est un gag de crotte. Ah, ouais, bon. C'est un gag de caca. Scatologie! Oh, c'est scatologie. Moi, je disais scatophilie. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. On va le refaire avec scatophilie. Scatologie! On dirait le début d'Histoire de filles un peu trash. Ouais, c'est ça. Histoire de filles. C'est aussi une émission de merde, excuse-moi. C'était weird. Dans le temps que Guylaine Tremblay était pas comme dans Unité 9. T'as pas en prison, c'était meilleur quand elle était plus là, Histoire de filles. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Mais je sais pas, j'ai jamais écouté ça. À part Guy Jodoin, je trouvais que c'était vraiment la meilleure fille. Ah, franchement! Je m'excuse. T'sais, il est porte-parole pour Super C, comment? Ah ouais, c'est quoi ça, cette affaire-là? Y avait-tu besoin d'argent tant que ça? Hey, respire. Les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 9 février 2015. Écoutez Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. C'est animé par Stéphanie Paradis et moi-même. Ouais. C'est bon, des fois, par bout, là.